بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية الدعوة السلفية تقدم لكم. Est-il permis à la femme de conduire la voiture ou pas? La voiture, femme en islam. Abu Taymiyyah Khalil al-Mutaniki, hafidhahu Allah ta'ala. Inna alhamda lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه وسلم أما بعد. Donc comme convenu, le rendez-vous d'aujourd'hui était basé sur le thème de la conduite automobile pour la femme en islam. Asran Kadima, assez brève, car le sujet ne mérite pas qu'on s'étale trop longtemps dessus. C'est Mbab al-Nasiha. Awalan yanfusina, thumma li akhawatina, wa li ikhwanina. Aina makanu. Ce conseil pour tous, nous-mêmes en premier lieu, ainsi que nos sœurs, tout particulièrement car le sujet les concerne, ainsi que nos frères, car le rappel profite aux croyants, qui qu'ils soient, et que ce sujet concerne les gens de façon générale, les muslimines et les muslimates, où qu'ils soient. Cette kalimah sera principalement basée sur des fatawa que j'ai lus de nos mashayikhs, ou al-a'immah fi had al-asr, dans les imams de ce contemporain de cette époque. C'est un sujet contemporain, qui est, est-il permis à la femme de conduire la voiture ou pas, la femme en islam. Et comment dire, beaucoup de savants, principalement ceux qui sont en Arabie Saoudite, qui sont les plus soucieux de ce sujet quant à la préservation de leur pays. Que le fasad ne rentre dans leur pays. Car vous le savez que l'Arabie Saoudite, walillahil hamd, est peut-être le pays le plus préservé actuellement en ce qui concerne tatbik al-sharia, l'application de la sharia, n'en déplaise aux takfiriyin et aux hizbiyin et autres que cela, et aux shi'a et autres, parmi ceux qui diffament ce pays. La perfection n'est pas de ce monde, certes, mais il n'y a pas photo, il n'y a pas lieu de discuter que l'Arabie Saoudite, pour ce qui est d'appliquer les sentences et les lois de l'islam, c'est le pays qui est le plus avancé et le plus fidèle à cela. Lakin ma ahad wal ma'soum huwa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Sans pour autant attribuer la fiabilité à personne. Pour savoir tout d'abord ce qui concerne la conduite automobile, c'est une chose, yani, mise en place, d'inciter la femme à conduire la voiture, une chose mise en place par les ennemis de l'islam, toujours. Leur complot ne s'interrompt jamais. Et ils visent particulièrement à corrompre la jeunesse et la femme. La jeunesse car ils sont la génération future, et la femme car elle est le pilier du foyer. Donc ils ont utilisé divers moyens de pouvoir faire sortir la femme de son foyer. On a déjà évoqué certains points dans ce qui concerne le sujet du féminisme, pour qui veut retourner, pour ne pas avoir à répéter. Et il est connu que l'islam est venu mettre des lois en place pour empêcher, pour couper court à tout mal, et fermer toutes les portes, qui amènerait à faire entrer le fasad dans les mu'amalat des ibad, dans tout ce qui est échange et tout ce qui est mode de vie des serviteurs. Car le but est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous le savez, nous avons des ennemis déclarés. Tout d'abord, nos propres âmes, nos propres péchés, hein, al-nafs al-ammaratum bisou. Nous avons al-shaytan, al-rajim, et nous avons également les kuffars. Et donc parmi les complots mis en place par ces kuffars, comme nous l'avons dit, le fait d'inciter la femme muslima à sortir de son foyer, afin qu'elle ne soit plus en mesure de le tenir, qu'elle ne soit plus en mesure d'éduquer ses enfants, et qu'elle ne soit plus en mesure d'obéir aux hommes qui auraient autorité sur elle. Parmi les moyens mis en place, il y a le fait de l'inciter à conduire la voiture. L'Inna Allah subhanahu wa ta'ala yaqul fi kitab al-karim wa qurna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarruj al-jahiliyati al-ula. Et demeurez dans vos demeures, et ne sortez pas de façon dévergondée, comme le faisaient les femmes de la jahiliya, les femmes d'avant vous. ويقول سبحانه وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنينا عليهن من جلال بيبهن ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يذين. Oh, toi, le prophète, dis à tes femmes, ainsi qu'aux filles et aux femmes des croyants, qu'elles rabassent sur elles leur grand voile. Cela est meilleur pour elles, afin qu'elles ne soient pas offensées. وَيَقُولُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضَضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. Et dis aux croyantes qu'elles baissent le regard. Qu'elles baissent le regard. Ces preuves et ces rites ont été mis en place pour fermer les portes à tout ce qui pourrait amener aux façades, à la mixité, et qui pourrait en découler de mauvaises conséquences bien plus graves que celles-ci. Donc de là, il est certain qu'il existe des choses aujourd'hui, à cette époque, où il n'y a pas de texte explicite qui interdit la chose en elle-même. Donc de là, les savants de l'islam extraient des règles, ont mis des kawaïd en place, générales, qui elles-mêmes englobent plein de règles partielles. Plus petite. Car il est certain qu'on ne veut pas, par exemple, un certain exemple, il n'y a pas de texte qui interdise, par exemple, le tabac en soi. On ne l'a pas. Cependant, on a des textes qui interdisent de quoi? De se nuire, de gaspiller de l'argent et de se tuer soi-même. Donc, le tabac rentre là-dedans. Mais ça l'aide. Parce que souvent, des gens disent, ouais, c'est quoi ta preuve qui interdit, de, par exemple, de fumer? Moi, j'ai vu un texte où le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'il n'est pas permis de fumer. Ou il n'est pas permis de faire telle ou telle chose. Sont des choses qui ont son propre à notre époque. Alors, ce qu'on a yakul, al-yom akmeltu lakum dinakum, wa atmemtu alaykum ni'amati, wa raditu lakum l'islam adina. Aujourd'hui, où j'ai complété pour vous votre religion, et j'ai parachevé sur vous mon bienfait, et j'ai agréé pour vous l'islam. C'est-à-dire que la religion est parfaite. Elle est venue pour fermer les portes de ce qu'il y avait auparavant, pour ce qui pourrait venir par la suite. Certains sujets sont assez flous et ambigus, et amènent à ce que le savant fasse un ijtihad, pour en tirer un jugement. De là viennent des divergences. De là, on découle des divergences entre les ulama. D'autres sujets sont plus clairs que d'autres, des preuves sont là, et ont été mieux cernées par certains que par d'autres. Bitofirkillahi azawajal. Donc de là, d'autres divergences. On découle, cependant, l'avis authentique est plus clair. L'avis authentique est plus clair. Et d'autres sujets à divergence également en découlent. Et de là, on voit clairement que des savants ont totalement raison dans les jugements qu'ils ont émis, et d'autres n'ont pas atteint la vérité. Et il incombe aux musulmans de toujours prendre ce qui amène vers la vérité, car son but est de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pas de jouer avec les textes, pas de jouer avec les divergences, pas de jouer avec la religion. Cela n'est pas permis. Car un jour, il se retrouvera devant Rabbil Alamin, il sera interrogé. Yawm yakumun nas li Rabbil Alamin. Donc le but est toujours de chercher la vérité en vue d'obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les moyens mis en place afin de détourner la femme de son rôle, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui la conduite automobile, que la femme puisse conduire la voiture, qui est un objet, c'est une chose qui a été mise en place au service de l'homme, pour lui permettre de se déplacer sur terre comme bon lui semble, quand il le veut, pour aller où il le veut, dans les limites du possible, bien entendu. Donc, la voiture, à la base, c'est une chose permise. Et comme on sait en islam, il y a des règles qui disent que ce qui est permis prend le jugement de son objectif. Al-wasa'il laha hukm al-maqasid. Que les moyens prennent le jugement du but à atteindre. Si le but à atteindre est haram, ce moyen, même s'il est permis, deviendra haram. Si le but à atteindre est permis, ce moyen deviendra permis. Si le but à atteindre est wajib, alors ce moyen deviendra obligatoire. Comme une personne, nous le citons souvent, qui voudrait faire le hajj. Une personne qui n'habite pas, qui habite à l'autre côté du continent, par exemple, pour elle, prendre l'avion est obligatoire. Ou le bateau. Le dernier moyen de transport est obligatoire pour se rendre à Mecca et faire le hajj. Donc ce voyage devient obligatoire et tous les moyens à suivre le deviennent également. Et contrairement à cela, une personne qui viendrait à voyager pour aller commettre du péché, faire le tourisme interdit ou ce genre de choses, donc là, ce voyage deviendrait interdit pour lui, ainsi que le moyen qu'il utiliserait deviendrait interdit pour lui également. Et ainsi de suite. Donc la base de la voiture, c'est que c'est une chose qui est permise. Et de nombreuses utilités ont été démontrées par rapport à la voiture, l'usage de la voiture. Cependant, là-bas, c'est que c'est l'homme qui sort de la maison, l'homme qui s'occupe de bouger, l'homme qui s'occupe des tâches à l'extérieur. Salam ma'alouf. La femme, elle, comme les adillés ont été cités, à la base, sa place de base est dans sa demeure. Elle n'a pas à sortir sauf en cas de besoin. Elle n'a pas à voyager sauf pour un voyage qui serait obligatoire. Et ce voyage ne peut être fait qu'en présence d'un mahram. Sans mahram, elle n'a pas le droit de voyager. Hormis pour la hijra. Exception faite pour la hijra. Tout le reste, les voyages seuls pour la femme ne sont pas permis. Donc de là des fatawas, aujourd'hui, comme vous le savez, la voiture est une chose qui est fortement utilisée et propagée dans le monde entier. Et à la base, la femme, physiquement parlant, et point de vue rationnel, est tout à fait en mesure de pouvoir conduire une voiture. On n'est pas en train de parler là que la femme n'est pas apte à conduire une voiture. Une femme peut conduire une voiture. Cela est une chose qui est évidente. Hein, elle sait se mettre dans la voiture et la conduire. Là-dessus, il n'y a pas de relève. Elle n'aura peut-être pas les réflexes d'un homme ou la clairvoyance d'un homme, mais pour ce qui est de l'usage de la voiture, elle est tout à fait capable d'utiliser une voiture. Ça, c'est là-dessus, il n'y a pas de problème. Maintenant, l'histoire, c'est religieusement parlant, est-ce que cela lui est permis? Et quelles en sont les suites si elle se met à conduire? Donc, plein de savants ont été interrogés sur la question. Car aujourd'hui, la voiture est devenue un outil indispensable pour beaucoup de personnes. Et chez les koufars, tout le monde conduit. Depuis le jeune âge, bien que cela est interdit par les lois, les femmes, les hommes, même personnes âgées, tout le monde conduit. Avec différentes sortes de voitures. Des petites, des grosses, des puissantes, des plus lentes, et ainsi de suite. Donc là, parmi les fatwas, ce que les savants ont émis comme fatwa, que la vue le plus authentique, c'est que cela, pour la femme, n'est pas permis. Et pour nombreuses raisons. Pour de nombreuses raisons. Cela n'est pas en but de la rabaisser, ou de lui nuire, ou de lui faire subir une injustice, ou de la léser dans son droit. Cela est en but de la préserver elle, de préserver la société, et tout d'abord, de préserver la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ses lois, et ainsi de suite. Et d'appliquer ses obligations, et d'éviter ses interdits. Donc comme par exemple Cheikh Othaymin, rahimahullah ta'ala, lorsqu'il fut interrogé sur la question, il dit, comme cela est connu que lui est de ceux qui voient que cela est interdit, comme beaucoup de savants, et ce qui est à l'avis le plus juste. Disons pour cela que la réponse se trouve sur deux règles connues chez les savants. La première qui est, comme nous l'avons dit, que ce qui mène au muharram devient lui-même muharram, ce qui amène à l'illicite devient lui-même illicite. Et la preuve de cela, c'est la preuve d'Allah, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il dit وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدُوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Donc, n'insultez pas ceux qui invoquent autre que Allah, car ils insulteraient Allah en toute animosité et sans science. Donc de là, il fut interdit d'insulter les divinités des mouchriquins. Bien que cela est une chose qui peut apporter un intérêt, une maslaha, car ce sont des divinités, elles sont fausses, elles sont des taroutes. Cependant, cela amènerait à ce que Allah soit insulté. Donc voilà, pour fermer les portes, cela a été interdit. Et également, deuxième règle, c'est qu'éviter, dar'ul mafasid, muqaddam ala jalb al-masalih. Ala jalb al-masalih. Que le fait d'éviter un mal est prédominant sur le fait d'attirer un bien. Car il y a un bien à tirer dans la conduite automobile, pour la femme. Il y a des choses utiles pour elle. Mais le mal qui en découle est plus grand. Et cette règle elle-même est tirée de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, où il dit, yas'alunaka 'anil khamri wa al-maisir, qul fihima ithmun kabir wa manafi'u lin-nas. Wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Il t'interroge à propos de l'alcool et des jeux de hasard. Dit que tous les deux contiennent un grand péché. Et également, un bénéfice pour les hommes. Cependant, leur péché et leur mal est plus grand que leur bénéfice. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a interdit ces choses-là, bien qu'elles contiennent un bien, car le mal qui en découle est plus grand. Donc, se basant sur ces deux règles, la conduite pour la femme n'est pas permise. Car cela mènerait à de nombreuses transgressions. Parmi ces transgressions, d'abord, que cela pousserait la femme à enlever son hijab. La femme serait contrainte d'enlever son hijab. Et le hijab légiféré, c'est celui qui couvre le visage entièrement. Ce qu'on appelle, les gens appellent ça le sitar en France, ce que les gens appellent le voile intégral, comme ils aiment bien le dire. En islam, cela s'appelle le hijab. Le hijab shal'i, à la base, sans qu'il ne soit décrit, ou le khimar, c'est ce qui recouvre la femme de haut en bas. Ça s'appelle le hijab. Car bien sûr, pour conduire, il faut avoir une bonne vision. Et le hijab, lui, assombrit la vision de la femme. Donc de là, cela l'amènera à quoi? À lever son hijab. Il est certain que le niqab, ce qui laisse apparaître les yeux, est une chose qui est une source en islam, qui est permise. Que la femme puisse avoir les yeux découverts. Mais cela sous certaines conditions. Le niqab qui est permis n'est pas celui que l'on voit aujourd'hui qui est répandu dans le monde. À la base, le niqab permis, celui où juste on puisse entrevoir l'œil, que la femme puisse voir, sans pour autant qu'on puisse voir sa peau, ses cils, ses sourcils, une partie de son nez, ou ainsi de suite. Et aujourd'hui, les niqab, comme on les voit, ils sont très grands, très larges. Ils sont une fitna. Ils sont une fitna. Et quand bien même elle porterait ce niqab qui est légiféré, cela pourrait quand même lui nuire à sa vision lors de la conduite. Car bien qu'elle puisse voir, elle n'est pas à l'aise. Elle n'est pas à l'aise. Et découvrir son visage est une chose qui n'est pas permise. Là n'est pas le sujet de rentrer dans la divergence du visage ou couvrir le visage. Là on reste sur l'avis que cela n'est pas permis. Inch'Allah, si muhadara n'a pas déjà été faite, elle sera faite sur le sujet par rapport au fait de couvrir le visage. Mais l'avis le plus fort, c'est que cela n'est pas permis. Donc, également, on sait qu'en France, par exemple, on a cité la France car c'est le pays avec lequel nous avons malheureusement encore un lien jusqu'à présent, et c'est la langue de ce pays dont nous parlons. Disons que une femme va y mettre le niqab pour conduire une voiture. Cela lui serait permis ou pas? Non, car aujourd'hui, avec ces lois qui sont venues, qui ont été mises en place, elle doit découvrir son visage dans le lieu public. Donc même le niqab ne serait pas envisageable pour elle, pour conduire la voiture. Non. Également, comment dire, parmi les mauvaises conséquences de la conduite de la femme, cela l'amènerait à s'exposer aux fitna. Cela l'amènerait à se mélanger aux hommes. Et nous l'avons déjà cité que l'épreuve sur l'interdiction de la mixité en islam entre les hommes et les femmes. Donc conduire la voiture pour la femme, cela l'amènerait, d'accord, à se mélanger aux hommes et à s'exposer à différents fitna. Parmi elles, la femme dans la voiture, si elle est seule ou entre des femmes, si demain, et c'est une chose qui est très fréquente, très courante, a un accident, un problème technique, une panne, en pleine route, comment fait-elle? Elle sera contrainte d'avoir affaire à des hommes étrangers. Si elle a un accident ou quoi que ce soit qui y ressemble, elle sera contrainte d'avoir affaire à des hommes étrangers. Peut-être même d'être touchée par des hommes étrangers. Donc, fermer les portes à cela, la voiture ne lui est pas permise. Et c'est une chose qui est très fréquente. Un petit carambolage, un petit choc, il faut sortir, discuter, faire un constat, analyser la situation. Ça n'amènera pas à parler avec des hommes. Car la plupart des gens qui conduisent des voitures sont des hommes. Également, cette femme, cela l'emmènerait à s'exposer à un voyage sans mahram. Car les femmes qui conduisent des voitures, est-ce qu'elles se fixent une limite dans l'usage de cette voiture? Pour ma part, je n'en ai pas connaissance. Lorsqu'elles prennent leur voiture, elles vont où elles veulent, quand elles veulent. Elles se disent pas, je prends juste ma voiture dans telle ville, et je ne sors pas de la ville avec la voiture. Généralement, même des longues distances, elles vont les faire, elles vont les parcourir. Donc cela l'amènera à quoi? À rentrer dans un voyage sans mahram. Wa qad naha an dhalika an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. La yahillu li mar'ati tu'minun billahi wal yawmil akhir un tout safir bidoun mahram. Comme Raoul l'imam muslim. Qui n'est pas permis à une femme qui croit en Allah et au jour dernier de voyager sans mahram. Donc cette voiture amènerait à s'exposer au voyage sans mahram. Et si jamais on dit qu'elle a un mahram avec elle, un homme, eh bien qu'il conduise lui. Il n'y a pas d'utilité à ce que ce soit elle qui conduise. À part dans les cas très rares, on dirait que l'homme n'aurait pas le permis, la femme aurait le permis. Ça, c'est vraiment des cas rares. Aussi, parmi les mafasides, que cela nuirait à sa pudeur. Une femme qui conduit, cela réduit de sa pudeur. Wal hayab nil iman, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Car cela, cela l'amènerait à se mélanger à des gens et adopter certaines attitudes qui pourraient nuire à sa pudeur. Et parmi les signes de la pudeur, que la femme ne sorte pas de chez elle. Que la femme ne lève pas sa voix quand elle parle. Que la femme baisse le regard, nous l'avions dit. Taïb, quand on conduit, peut-on baisser le regard ou doit-on le lever? Il faut lever le regard, évidemment. Également, parmi les mauvaises suites de la conduite de la voiture, cela amène la femme à sortir de chez elle. Car elle sentirait un sentiment de liberté. Cela est connu, que même les koufars en parlent lorsqu'ils partent de la voiture, que cela amène à se sentir plus libre. Sortir, comme on l'avait dit au début, où on veut, dans la mesure du possible, et quand on veut. Et nous l'avions dit que la femme, à la base, sa place est dans sa demeure. Une femme qui a une voiture se sent libre de sortir quand elle veut. De jour comme de nuit. Elle n'a pas à être sous la demande de qui que ce soit. Elle est libre de faire ce qu'elle veut avec sa voiture. Et cela, c'est une chose qui est constatée, qui est évidente. Cela l'emmènerait, voire même, à désobéir à son mari, sortir quand elle le veut. Et également, les ulama disent, et cela aussi est constaté par tout le monde, que celui qui conduit, la conduite est une chose qui est réjouissante, agréable. Donc il est certain que celui qui a une voiture, même pour une chose qui n'est pas utile, se verrait dans l'envie de sortir et d'utiliser sa voiture. Il en sortirait plus que pour le besoin, surtout une femme. Le moindre besoin sortirait avec sa voiture, aller là-bas, aller faire des courses, aller voir Fulena, aller visiter une telle, amener les enfants à tel endroit, et ainsi de suite. Des sorties sans besoin. وَبُيُوتُهُنَّ خَيْلٌ لَهُنَّ. Et leurs demeures sont meilleures pour elles. Aussi, comme nous l'avons dit, cela amènerait à ce que puissent se rebeller contre les hommes, car la moindre divergence, au moindre désaccord ou quoi, elle sortirait de la maison. Elle prend sa voiture et elle s'en va. Et c'est une chose qui était constatée. Donc nous l'avions dit, que cela l'amène, l'expose à de grands biens, à beaucoup de mal. Également, parmi les mauvaises conséquences, que le permis, il est connu qu'il faut avoir un permis de conduire, et ce permis de conduire, qu'est-ce qu'il y a dessus? Une photo. Donc cela l'emmènerait à aller se faire photographier le visage. Est-ce qu'il y a une daroura en cela, comme pour le passeport ou les papiers d'identité? Non, pour la femme. Il n'y en a pas. Et on sait encore plus en France comment sont les photos d'identité. Même pas la tête couverte. Donc là, ce seraient des photos qui ne seraient pas une contrainte. Également, lors d'un contrôle dans sa voiture. Qui est-ce qui la contrôle dans sa voiture? En général, ce sont des hommes. Ils demandent des papiers, permis de conduire. Ils prennent le permis de conduire, qu'est-ce qu'il fait? Il le regarde. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il voit la femme, il la regarde telle qu'elle est. Un homme qui a un minimum de jalousie ne peut accepter cela. Un frère ne le veut pas pour sa sœur, comme nous l'avions dit. Un mari encore moins pour sa femme, et ainsi de suite. Donc, lors des contrôles routiers, elle sera exposée à parler avec des hommes, des policiers, des agents de la circulation. Nous l'avions dit. Le garage, exposé à parler avec le garagiste. Nous l'avions dit. Pour remplir l'essence, amené à parler avec des hommes également. Nous l'avions dit. Ou à sortir de sa voiture. Et ainsi de suite. Sans compter les autres interdictions qui découlent de la voiture, l'usage de la voiture, comme en France par exemple, comme les assurances. À la base, cela est interdit pour tout le monde. Homme ou femme. Cependant, on sait que l'homme, des fois, il y a des contraintes qui font qu'il ne peut y échapper. Les assurances en France sont des choses auxquelles on ne peut échapper. Donc là, c'est autre chose. Mais la femme, elle n'est pas obligée d'y passer. Elle peut l'éviter. Car à la base, elle n'a pas à conduire cette voiture. Également, cela amène à remplir et à bonder les routes et les rues de voitures avec des femmes. Car à la base, cette place-là est celle de l'homme. Cette place-là est celle de l'homme, celle des jeunes. Ils sont plus en droit de pouvoir prendre place dans ces voitures et dans ces rues et dans ces routes. La femme viendrait et amènerait à bonder et à faire de la place, à prendre de la place pour rien. Sans raison valable. Et vous savez qu'à la base, comme on l'a pris dans le hadith dans la muhadara sur l'ertinette, la mixité, que la femme, sa place à la base, et qu'elle prenne le côté de la rue, et qu'elle laisse le milieu aux hommes. Avec la voiture, comment on fait? Est-ce qu'elle va rouler sur le trottoir? Ce n'est pas possible. Donc, cela amènerait une fois de plus à ce qu'elle se retrouve mêlée et présente au milieu des hommes. Sans raison valable. Également, bien que la femme soit elle en mesure de conduire une voiture, il est connu que beaucoup d'accidents sont faits par la renflade de la femme. Car la femme est très inattentive par rapport à l'homme. Comme nous l'avons dit au début, elle n'a pas les réflexes et elle pense à d'autres choses qui font que des fois elle ne fait pas attention et est souvent amenée à faire des accidents. Elle sait conduire la voiture, mais son moral, sa réflexion l'amène à réfléchir à autre chose, à ne pas être attentive à ce qui se passe autour d'elle. À ne pas anticiper comme un homme le ferait. Ce qui cause beaucoup d'accidents. Même s'ils sont minimes, des petits chocs, des petits carambolages, ce n'est pas forcément de gros accidents mortels, comme pourraient le causer ceux qui boivent de l'alcool, ceux qui conduisent vite, et ainsi de suite. Mais il est connu, même les koufars le disent, ils ont des expressions disant que les musulmans rabaissent la femme, ils ont des expressions bien plus dures. Parmi ce qu'on entend de leur bouche, par exemple, je me rappelle, je l'ai entendu auparavant, femme au volant, mort au tournant, par exemple. Il est connu que les hommes, parmi les koufars, insultent les femmes au volant lorsqu'elles ne savent pas bien conduire. Ils sont très durs avec elles. Donc que dire d'une sœur, surtout avec ce qui se passe actuellement comme événement là, que ferait-il s'il venait à ce qu'une sœur en hijab vienne à le gêner sur son chemin? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'en prendre à elle. Sans aucun doute. Et également, il est constaté que la plupart des femmes, parmi les sœurs en islam qui conduisent des voitures, sont des femmes qui aiment sortir. Qui aiment avoir leur indépendance. D'accord? Se sentir libre. Et cela jouera sur son comportement par la suite. Si elle est célibataire, cela l'habituera à se voir, à s'imaginer indépendante et libre et capable de s'assumer seule. Et le jour où elle se mariera, à la moindre contrainte, comme nous l'avons dit, elle se rebellera contre son mari, le voyant comme étant une personne inutile pour elle, disant que avant toi, je pouvais me débrouiller toute seule. Cela n'amènera pas à ce qu'elle adopte la modestie que la femme doit avoir devant son mari. Ou devant les hommes qui ont autorité sur elle. Et tel est également l'un des objectifs à atteindre par ces koufars, par ces mécréants, de mettre en tête à la femme qu'elle est l'égale de l'homme, qu'elle est indépendante et capable de s'assumer toute seule. Mais la question se pose souvent lorsque des gens disent comment une sœur convertie, dont les parents sont des mécréants, ennemis de l'islam, qui s'en prennent à elle, célibataire. Comment fait-elle pour s'en sortir? Ce qui lui est possible de faire à cette sœur, c'est de s'efforcer à se marier. Car également, beaucoup de ses sœurs, malheureusement, tardent à se marier. Veulent rester un peu seules. Par crainte, justement, de subir des pressions conjugales, du mari, son autorité. Et l'islam appelle à ce que la femme soit comme ça. Ce n'est pas une honte. Ce n'est pas un abaissement. Tel est le comportement qui était adopté par le sahabiyat. Des femmes obéissantes, chastes, et dévouées à leur mari. Fi ta'atillah, bi qadri isti'atihinna, dans l'obéissance d'Allah, et en mesure de leur capacité. Et tel est le comportement calqué pour les femmes, ainsi que pour les hommes, le bien à prendre, chez tous. Donc ces sœurs-là, ou même une sœur qui serait repentie dans une famille de gens mal intentionnés, de gens pervers, comment fait-elle? Le mariage a été mis en place pour ça. Qu'elle se mette sous la charge d'un homme. Qu'elle fasse en sorte qu'elle n'ait pas à sortir. Ou bien alors, si vraiment elle ne peut, par exemple, elle cherche à se marier mais qu'elle ne trouve pas de mari, qu'elle essaie de trouver un couple, un frère qui pourrait l'aider, par exemple. On a été informé qu'aujourd'hui, il y a plein de moyens mis en place pour qu'une personne puisse faire ses courses sans avoir à sortir de chez elle. Par Internet, ce genre de choses. Tout cela existe. Donc, cette excuse, en elle-même, n'est pas vraiment valable. Car quand bien même elle prendrait une voiture, l'actualité démontre qu'elle utilise la voiture bien plus qu'il en faut. Et ça commence par un petit peu pour finir par beaucoup. Donc de là, l'islam est venu avec ce genre de choses pour fermer les portes. Également, cher Abdel Mohsen Abed, Hafizahullah Ta'ala, a une risala écrite de plusieurs pages dans laquelle il explique bien comment cela s'est dégradé, la situation de la femme dans le monde, et particulièrement en Arabie Saoudite, et parmi ses causes, la conduite. Maintenant, des savants, eux l'ont autorisé, on dit qu'il n'y a pas de mal pour qu'une femme conduise, et de là, des gens se permettent de prendre ce genre de fatawa et de les propager. Ce n'est pas tout ce que ça a vendu qui est forcément réel. Et beaucoup de gens prennent des fatwas par suivi de passion, car cela les arrange. Car cela les arrange. Mais si on regarde bien les conséquences, et qu'on pèse bien le pour et le contre, sur la balance des adillah, on voit et on constate que la conduite automobile pour une femme amène plus de mal que de bien pour elle et pour les autres. Donc cela seul suffit à l'interdire. Et que si chacun se tenait bien en place et appliquait son islam comme il se doit, biznillah, une femme ne serait pas en besoin de conduire une voiture. S'il y avait le ta'awun, même pour les sœurs veuves, les sœurs célibataires, par les hommes mariés, ou par leurs frères, ou par leurs pères, elles seraient bien prises en charge, il n'y aurait pas lieu, il n'y aurait pas besoin. Donc cela est un problème général, qui concerne la Ummah dans son ensemble. Le ta'awun, l'entraide. Pour faire en sorte à ce que nos sœurs n'aient pas à se trouver dans une situation comme celle-ci. À sortir de chez elles, et à subir ce qu'elles subissent actuellement. Et nous le répétons encore une fois de plus, cela n'est pas en but de la rabaisser, de la léser, de la mettre des pressions, et de la restreindre dans ses droits. Ne jamais oublier. Hein? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Chaque âme goûtera la mort. Et qu'on viendra à Allah subhanahu wa ta'ala sans interroger. Le but est cela, obtenir son agrément, quitte à délaisser des choses plaisantes de ce bas monde. Donc comme je l'avais dit, c'est une parole qui sera assez brève. Walhamdulillah. Espérant que cette parole sera bénéfique pour nos sœurs en particulier et pour les muslimines dans leur ensemble. ونسأل الله أن يجنب المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. مع تحية دمام.